On va parler avec notre ami Phil Desgagnés. Salut Phil. Phil, beaucoup de choses à parler avec toi. D'abord, je t'ai pas parlé la semaine passée. J'ai fait une petite montée de lait sur les médias sociaux hier, puis j'en reviens pas. Puis j'en reviens pas, moi, que l'esprit de clocher, parce que là, peu importe ce qu'on va dire, là, peu importe ce qu'on va arriver comme raison, c'est bizarre que 6 personnes de Jonquière sont contre, puis 6 personnes de Chicoutimi sont pour. Je trouve ça bizarre, moi, puis peu importe ce qu'on va m'arriver, là. Danny, c'est pas bizarre, c'est un hasard plutôt. Non, mais regarde, c'est tout ça louche, moi. Non, Si non. c'est pas de la guerre de clochers, je me demande bien c'est quoi. Ben écoute, moi je dis que parce que la semaine dernière, quand j'ai écrit effectivement qu'il y avait une divergence très importante, que je l'avais prédit d'avance, là, avant que ça arrive, là, Ouais. dans le journal, et quelqu'un m'a écrit me disant que je faisais de l'esprit de clocher, puis j'ai dit à cette personne-là, je ne fais pas d'esprit de clocher, je constate les résultats. C'est un hasard que 6 gars de Jonquière votent contre le projet, puis que les 6 gars de Chicoutimi votent pour le projet. Si c'est un hasard, c'est un drôle de hasard. Ben c'est ça devrait être 3-3, il devrait y avoir des gens à contre à Chicoutimi, des gens pour à Jonquière, On s'il n'y serait avait là. pas d'esprit de clocher, là. Ouais, moi j'aurais pensé comme toi, mais rappelons-nous, revenons un peu en arrière pour le fameux Soccer Dome. Ouais. Je me rappelle quand on a annoncé, on a dit. Tous les élus de Jonquière, on est unanimes, on veut le Soccer Dome et il va être à Jonquière. C'était ça la déclaration de Michel Thibault puis de Jean-Marc Grenier. À ce moment-là, quand on a dit qu'on le voulait à Jonquière, moi je n'ai rien contre qu'ils veulent à Jonquière, mais là tu sentais une solidarité des gars de Jonquière dans ce dossier-là. Puis moi, j'ai pas de trouble avec ça, là. Tu sais, ils demandaient. Chicoutimi, c'est pas opposé, là. Il n'y a personne qui a levé la voix et dirait non, il veut Chicoutimi, là. Mais quand on arrive dans la rénovation du centre pour le nouvel amphithéâtre, surtout le nouvel amphithéâtre, eh bien là, c'est par un hasard, 6 de Jonquière sont contre le projet, 6 de Chicoutimi sont pour le projet. Donc, c'est là que je me rends compte que je me dis, si c'est pas d'esprit de clocher, c'est quoi exactement? Donc, c'est la question que je me pose. Là, cette semaine, ils ont eu une autre réunion. Ils ont voté un montant de 100 000 $ pour faire une étude sur la faisabilité d'installer peut-être ce nouvel amphithéâtre au centre-ville. J'espère qu'on ne dépense pas. Oui, mais c'est parce que plus tu retardes ta décision, plus le montant monte, le montant de la construction. Non, c'est sûr que. Mais moi, là, qu'on prenne le temps de faire une étude, je n'ai rien contre, Dani. Ouais. Regarder sérieusement, est-ce qu'on est capable de le faire au centre-ville, puis est-ce qu'on est capable d'avancer. Si les résultats se montrent positifs, moi je suis convaincu que la mairesse, parce que quand on a pris le vote, puis la mairesse le dit, c'est 8-7, là. Même s'il y en a qui disent qu'il n'y a pas de vote, là, c'est 8-7 d'un résultat favorable à un nouvel amphithéâtre. À ce moment-là, mais Mme la mairesse, elle voulait au centre-ville, comme certains conseillers le voulaient également au centre-ville. Si l'étude se montre favorable au projet au centre-ville, moi, je suis convaincu que ça va se faire. Si le projet dit, malheureusement, le centre-ville, c'est peut-être pas l'idéal, c'est peut-être pas la bonne solution, manque d'espace, de terrain pas adéquat ou n'importe quoi, là, j'ai beaucoup de réserves sur savoir qu'on va faire ce projet-là. J'ai beaucoup, beaucoup de réserves. Mais si le projet, l'étude dit qu'au centre-ville, c'est viable, c'est la façon de faire, c'est l'expansion pour revitaliser le centre-ville. Moi, à ce moment-là, je pense que le projet, la mairesse va y aller en disant, on est vite contre 7, vous allez vous rallier, pas le choix. Moi, j'ai déjà fait une élection municipale, Danny, comme toi, puis à la fin, j'ai perdu par 74 votes. On me dit, Bill, c'est la démocratie, on va te rallier. Puis c'est correct, j'ai accepté le vote, puis la décision, puis j'ai voté avec ça. Là, on a fait un vote, il est vite contre 7. Mais est-ce qu'elle a le leadership? Parce que moi, je vois ça du lac Saint-Jean, là. Phil, est-ce que ça se peut que les gens au Saguenay, là, vous voulez tellement vous dissocier de Jean Tremblay? Jean Tremblay, il disait à l'époque, ça va comme ça, puis ça va aller là. Là, les gens veulent être à l'écoute, les gens veulent écouter, puis tout le monde. Mais finalement, quand tu commences à écouter tout le monde, puis ci, puis ça, les décisions ne se prennent pas. La décision finale ne se prendra jamais. Ouais. Je ne te dis pas que Jean Tremblay avait la meilleure méthode. Ouais. Il faut prendre des décisions. Là, j'ai l'impression que Mme Néron, elle a donné, je pense, quand elle a fait son élection là-dessus pour dire que les citoyens allaient élire des gens, puis ces gens-là allaient prendre des décisions. Donc, c'est exactement ce qu'elle a dit pendant toute sa campagne. Donc, elle respecte ce qu'elle dit. Est-ce que ça va être la meilleure façon? Bien, l'avenir nous le dira, Danny, si oui ou non, avec sa façon de faire, ça donne de bons résultats. Mais mettons qu'actuellement, moi, je trouve que c'est pas très bien parti. Surtout pour le dossier du centre Vézina. Le reste, là, va laisser les politiciens et les spécialistes de la politique. Moi, je vais parler de sport parce que je suis dans le domaine. Oui, mais on connaît. On est, moi, puis Phil, toi aussi, t'es aussi capable. Moi, je m'intéresse autant à la politique que le sport. Moi aussi. Fait que, regarde, on est capable de parler de politique aussi, pis on la connaît, on la voit, la game. J'ai hâte, je vais parler avec Michel la semaine prochaine. Michel, j'ai chauffé le derrière hier. J'ai dit que j'étais très déçu de lui. J'y ai dit hier que la guerre de clochers, Phil, c'est pas winner. Écoute, à Dolbeau Mistassini, là, tu sais un peu comment ça marche. T'as Mistassini, t'as Dolbeau. Oui. Si, on me raconte, à l'époque, j'étais jeune, s'il n'y aurait pas eu cette guerre de clochers, ben, le cégep de Saint-Félicien aurait été à Dolbeau Mistassini. Mais là, chacun tirait de sa couverte, puis le cégep est allé à Saint-Félicien. C'est pas, donc ça n'a pas été winner, là. C'est un peu ça, là. Puis j'ai l'impression que Jonquin se sent comme toujours un peu agressé. Je vois ça du Lac-Saint-Jean, puis Chicoutimi, ben, ils ont toujours ce complexe d'infériorité face à Chicoutimi. Est-ce que je me trompe? Ah, ben écoute, il y a toujours une rivalité entre les villes. Moi, je pense que la fusion ne s'est jamais vraiment faite, là. Ouais. Parce que moi, je connais de mes amis qui restent à Arvida. Je ne veux pas qu'ils restent à Saguenay. Ils restent encore à Arvida, malgré que la ville d'Arvida, Jonquière-Kenogami, est fusionnée depuis une éternité. Mais tu me dis toujours, nous autres, les gars d'Arvida. Ben, à leur tête, là. Bon, j'en connais. Moi, j'ai déjà évolué votre équipe de hockey. Je te jure, dans le vestiaire, d'un côté, il y avait la gang de tel endroit, de l'autre côté, de tel secteur. Il y avait des clans qui se mettent dans l'équipe à cause des villes comme Jonquière, Kenogami, Arvida, ou pas mal près de Canby, et ces choses-là. Chicoutimi-Nord. Écoute, moi, je demeurais à Chicoutimi, puis la gang de la Côte-Réserve, c'était contre la gang de la Rivière-du-Moulin, puis ces choses-là. C'était comme ça. Puis, j'ai pas l'impression que ça a changé tant que ça. Ben non, ça prend des générations et des générations à changer. Par contre, moi, je l'ai pas l'esprit de clocher, je viens pas ni de Dolbeau, ni de Mistassini, je viens d'un petit village, Saint-Augustin, fait que... Outre tous les arguments que tout le monde apporte, là, il y a une opportunité qui est sur avec le premier ministre et ça ne repassera pas. Et ça, là, ça ne repassera pas. Si on ne le fait pas là, on va être une éternité sans le refaire. La fenêtre est très courte, Phil, parce que tu sais, là, on est en période électorale. Après le 1er octobre, là, la fenêtre, je m'excuse, elle va être refermée. Là. Non, mais même avant ça, moi, ma question, elle veut dire que semaine, le rapport va être prêt pour le mois de juin, parce que le premier ministre, lui, il peut toujours, parce que ça, le prêt d'année, puis je pense que je te l'ai déjà expliqué, c'est pas dans ce qu'on appelle les structures normales, un amphithéâtre avec un emprunt comme ça, puis le gouvernement donne 5 ans. Ça prend un arrêté ministériel. Donc, c'est le Conseil des ministres qui décide. À partir de ce moment-là, c'est pas un programme, exemple, comme le soccer, là. Il y a des programmes d'infrastructure. Ouais. Un tiers fédéral, un tiers provincial, un tiers la ville. Ça, tu fais des demandes, il y a des fonctionnaires, ils s'occupent des dossiers, ils regardent, ils s'appliquent. Mais un dossier comme le centre Vézina, c'est comme l'aréna de Trois-Rivières. À Trois-Rivières, il a fallu que le Conseil des ministres dise « Nous, on y est d'accord, on donne 50 %. » Même chose à Gatineau. Le projet de Gatineau, Cadillac, 104 millions. C'est-tu quoi? Ça a pris un arrêté ministériel. C'est pas des programmes normaux. C'est le premier ministre et les ministres qui décident. La même chose pour le centre Vézina. Donc, si c'est pas ça, là, après l'élection du 1er octobre, si M. Couillard n'est pas en place, ben là, pour commencer le débat, pour commencer les demandes, là, c'est pas. Ça va être dans la semaine des trois jeudis. Oui, effectivement. Dis-moi maintenant, Phil, parce qu'on pourrait en parler longtemps, on va en reparler sur un dossier qui n'a pas fini de faire jaser. Hey, Phil, question est supposée, là. Patrick Roy, son salaire, ça peut-tu être le million? Il vaut ça, là. Mais moi, je pense que dans l'entente de Patrick Roy avec les Remparts de Québec, c'est pas une question d'argent. Patrick n'a pas besoin d'argent. Patrick voulait revenir dans le hockey. Il revient dans son milieu. Il trouvait l'hiver long en Floride à jouer au golf simplement, puis il l'a très bien dit en conférence de presse. Il y a des amis dans l'entourage. Je regarde, là, le président Jacques Tanguy, c'est un ami personnel. Julien Gagnon, le gouverneur de l'équipe, un dentiste de la région de Québec, est un très grand ami de Patrick Roy. Il joue régulièrement au golf l'été et même en Floride l'hiver. Je sais que Julien est allé une couple de fois cet hiver jouer au golf en Floride avec Patrick Roy. Donc, je pense dans le cas de Patrick, et il a été clair, il a dit « j'ai pas eu d'offre de personne ». Donc, sans dire qu'il refait ses clauses, puis moi, je pense qu'il y a un autre dossier important dans l'engagement de Patrick Roy, Québécois. Pierre-Carl Péladeau est là pour l'annonce d'un coach chez les Remparts de Québec. Aïe aïe, là. Pierre-Carl Péladeau, là, c'est le PDG, c'est le grand patron de Québécois. Il était là pour deux raisons, à mon avis. Parce qu'ils ont toujours l'intention d'avoir une franchise de hockey de la Ligue nationale à Québec. La deuxième raison, c'est que depuis que Patrick est parti, les assistances aux Remparts de Québec ont diminué en moyenne de 2500 à 3000 spectateurs. 3000 spectateurs à 10$, là. C'est beaucoup d'argent. Puis, t'ajoutes la bière, t'ajoutes les consommations alimentaires, les produits dérivés, la vente de chandails, et ainsi de suite. Hein? À ce moment-là, qu'on donne 300-400 000 à Patrick, puis 500 000 à Patrick Roy, pour Québécois, c'est pas un problème. Mais moi, je pense que Patrick n'est pas allé là pour une question d'argent. Okay. D'abord, il est allé là avec les conditions de dire c'est moi qui ai le boss. Je pense que c'est tout à fait normal dans les circonstances. Deux, il avait le goût de revenir, et lui-même a dit en conférence de presse, j'ai fait des cheminements depuis 2 ans, je me suis rendu compte des choses, puis là, il s'est rendu compte d'une chose. Son départ du Colorado... Ça lui a fait mal, ça. Fait, ça n'a pas été très bien fait. Et ça, les dirigeants de la Ligue nationale, ils le savent tous. Donc, Patrick, il doit se rebâtir une image auprès des dirigeants de la Ligue nationale, d'une certaine façon, pour dire, voici... mon 2 ans d'arrêté, mon de retour chez le junior, j'ai changé. Et également, il surveille l'opportunité. Il n'est pas cave non plus. Il sait que le Canadien de Montréal, avec ce qui se passe actuellement, il va falloir que Bergevin donne des résultats très bientôt. Là. Et qu'est-ce que tu penses qui arrive demain matin si les résultats ne sont pas là avec le Canadien de Montréal? Bergevin ne pourra pas regarder ça. Je suis pas sûr que Jeff Molson va se mettre à... Patrick Roy fait peur, puis ça prend un homme fort. Jeff Molson, là, il est comme les autres. Il veut remplir son amphithéâtre. Est-ce que Patrick est un gars qui vend? Ben oui, c'est clair. Je l'ai écrit la semaine dernière. Exemple, pour la Ligue junior majeure du Québec, c'est la plus belle nouvelle qui est pas arrivée. Ben oui. Et j'ai dit, Patrick Roy, c'est plus gros que la Ligue junior majeure du Québec. Tu sais, là, ça dépend que ça plaise aux gens. C'est comme ça. Quand Patrick va venir à Chicoutimi, il va mettre 3500 personnes, là, au lieu de 2000. Et comme ça, et partout où il va, Patrick remplit les amphithéâtres. Donc, la même chose avec les gens de Québécois. Ils savent très bien qu'à 3000 personnes de plus par match, à la fin de la saison, sur 40 parties, c'est 100 000 personnes de plus. Avec les billets, c'est énormément d'argent. Donc, à ce moment-là, ils savent très bien que le retour de Patrick devient un must. Ça devient vendeur également pour l'organisation. Mais Patrick est même plus vendeur qu'Alexis Lafrenière. Et Alexis Lafrenière, c'est une grande, grande vedette, là. C'est la plus grande vedette depuis Crosby qui a passé dans les Jeux du Québec. Mais il y a une chose, Patrick. Ouais. Et deux, moi, je trouve que Roy, je l'ai connu depuis plusieurs années, il est beaucoup plus près du public. Moi, je l'ai vu au Centre Vézina, prendre le temps de avant le match, il regardait la période d'échauffement, il était là sur le bord, du monde allait le voir prendre des photos, des autographes, il signait des photos, il faisait des photographes. Avant, Roy ne faisait pas ça dans ses débuts. Maintenant, il le fait parce qu'il sait qu'il y a un rôle à jouer à l'intérieur du circuit, à l'intérieur de la Ligue. Donc, à ce moment-là, je l'ai très bien vu. Puis j'ai, en tant que gouverneur, pu assister à des réunions où Patrick était là. Je peux te dire que quand Patrick arrive dans une salle, ça paraît dans une salle, là. Bah, c'est clair. Quand il parle, ça paraît encore parce qu'il y a quand même beaucoup de prestige et de notoriété autour de cet individu-là. Ah non, c'est toute qu'une nouvelle pour les Jeux majeurs du Québec. Mais moi, ce que je trouve triste, Phil, pour clore le dossier par les Carrois, c'est que moi, j'ai l'impression qu'il fait peur à bien du monde. Puis, tu sais, il n'aurait pas fait peur à un Serge Savard. Mais c'est pour ça que je te dis qu'il doit, Patrick doit se dire, bon, retourner junior, ouais. Faire 2 années, puis je vais voir si les autres viennent après, puis si les gens voient qu'est-ce que Patrick a changé, la façon de faire. S'il n'y a pas ça après 2 ans, puis ça fait 4 ans que tu n'as pas eu d'offre, ça veut dire que malheureusement, il n'en arrivera plus. Et deux, peut-être que Québécois, c'est des choses que nous, on ne sait pas, parce que moi, je pense qu'à Québec, une franchise, ça va passer par le déplacement d'une franchise et non une nouvelle franchise. Est-ce qu'il y a des horizons qui peuvent se présenter dans les prochaines années? Je ne sais pas. Et Patrick, là, il a sûrement eu cette discussion-là avec Pierre-Carl Péladeau et Jacques Tanguay. Jacques Tanguay, oui, il est président des remparts. Je suis convaincu qu'il a parlé à Pierre-Carl, à Martin Tremblay, avant de signer Patrick pour 2 ans, avec des conditions qui vont y être. Ouais. Ça, j'en suis convaincu. Ouais. Phil, on va se parler de Dominique Ducharme. Belle annonce. J'ai été surpris que Dominique Ducharme s'en va comme adjoint. Écoute, c'était clair qu'il ne revenait pas à Drummondville. À partir du moment où hier, on a parlé qu'il avait négocié avec les Capitals de Washington. Moi, je pensais que ce serait logique qu'il s'en aille entraîneur-chef dans la Ligue américaine. Mais es-tu surpris de le voir comme adjoint à Montréal? Moi, je suis content, mais je suis surpris en même temps. Moi, je suis pas surpris pour une raison. Dominique Ducharme, c'est un homme très intelligent. Moi, je l'ai rencontré à plusieurs occasions. Discuter avec lui, là, je peux te dire, Danny, c'est un monsieur, un gentleman. Ah ouais, je l'ai eu aussi en entrevue, puis moi, écoute, je l'ai eu deux, trois fois en entrevue, puis c'est vraiment quelqu'un de bien, ça semble quelqu'un de bien. Oui, ce que je dis de lui, je vais te dire qu'il l'a répété un peu en conférence de presse aujourd'hui, c'est que, lui, dis-moi, j'ai jamais joué dans la Ligue nationale. Je connais pas le vestiaire de la Ligue nationale. Je connais pas la réaction de ces multimillionnaires. Je ne connais pas la réaction de ces gars-là qui gagnent des vies à faire ça. Donc, à partir de ce moment-là, j'ai toujours eu affaire à des jeunes joueurs, des gars de 16, 17, 18 et 19 ans, où l'autorité du coach est facile dans l'ensemble. Alors que quand tu arrives avec des superstars, avec des vedettes de la Ligue nationale, des gars qui gagnent 4 fois ce que toi tu gagnes, et affaire à ce qui est le train de la Ligue nationale, les pratiques, les voyagements, la pression, les arénas un peu partout, voyager partout à travers l'Amérique du Nord. Moi, je pense que lui, il a pris la bonne décision en disant, je vais aller apprendre. Et deux, il tombe également dans un milieu qu'il connaît bien. Montréal, il sait comment Montréal, c'est important. Claude Julien, c'est pas un de Claude Julien, là. Claude Julien est un homme d'expérience. Puis, je pense que Bergevin sait très bien que si d'ici 2 ans ou 3 ans, Ducharme fait bien ses classes, si un jour Claude Julien, ça fait plus, qui tu penses qui est prêt à prendre la relève? Parce que chez le Canadien... Mais... Mais un entraîneur adjoint, Phil, un entraîneur adjoint dit, et normalement, son mandat, c'est de se mettre chum avec les joueurs. Tandis que... c'est pour ça que... Ouais? OK. Kirk Muller. Ouais. OK. On va s'en reparler la semaine prochaine des séries. Il y avait beaucoup de sujets à faire. On s'en reparle la semaine prochaine. Voilà, c'est le commentaire de Mme Félix.